Enfant, à l'instar de mes amis, nous n'avions aucune idée de ce que nous cachait la vie. De nos jeux interdits à nos premières sorties, nous étions constamment prêts à relever tous les défis. Bercé par les souvenirs, mon esprit reposé peut revenir au bon vieux temps, ces précieux moments, qu'est-ce qu'on a pu rire. L'époque des habits griffés, des bandes, des premières soirées, des premières amourettes, des rendez-vous galants au café. Qu'en est-il de nos passions? Les avons-nous vécues, vaincues, ou tout simplement laissées échouer sous un pont? 20 ans après, je me pose la question. Miroir, dis-moi la vérité, j'aimerais savoir. Car sans cesse, je revois cette ambiance collégiale, le sport après les cours entre copains. C'était vraiment génial, vaillant comme de fiers soldats. On jouait les rebelles, rêver de cinéma, changer incessamment de modèle. Thinking about how we were living, yeah. Seems like life was just beginning. La maison comme d'habitude, sans la moindre inquiétude. Charmé à l'idée de retrouver nos couloirs familiers, sous les platanes, partager notre amitié. Pour un instant, j'aimerais revenir en arrière, le temps d'un éclair, les bras ouverts. Rire de mes premières lectures, de mes premières aventures, qui ont fini toujours au pied du mur, je vous le jure. Que l'indifférence y avait une place prépondérante. Chez les parents, on oubliait souvent qui payait les rentes. On croyait dur comme fer, pouvoir refaire le monde, sauter les étapes, commettre certains gestes immondes. Les conseils entraient par une oreille pour ressortir par l'autre, jusqu'à ce qu'on comprenne que tout n'arrive pas toujours qu'aux autres. Mais malgré tout, on s'amusait comme des fous. Les relations étaient saines, pas recouvertes de caoutchouc. Thinking about how we were living. Devient de plus en plus artificielle. Les jeunes filles très tôt rêvent de ressembler aux top modèles. Les priorités ont beaucoup changé avec le temps. Les services sociaux, la santé ne sont plus importants. La seule chose qui compte est de faire et faire de l'argent, au point de briser certaines amitiés, d'écraser des gens. Mais en fin de compte, nul n'a vraiment le choix. Au système tu t'intègres ou au final il te désintègre. 20 ans après, on constate en émoi que les premières personnes à qui on avait dit crois en moi pour la première fois ne sont plus les mêmes. Devenues les plus lointaines, ça me fait de la peine. Tandis qu'autour de nous tout s'accélère, j'en perds mes repères. Qu'est-ce que l'homme a fait de la vie sur terre? Son enfer que faire? Sinon remplir son cœur de je me rappelle. Le bonheur n'est pas immortel, mais la vie est belle. Thinking about how we were.